Gustave le Rouge. Les aventures de Todd Marvel. Private Detective Milliardaire. Sixième épisode. Double disparition. Chapitre premier. L'ingénieur et le médecin. Le silence et l'accablement d'un torride après-midi planaient sur la campagne. Dans le parc Dizzy's Lodge, la féerique création du milliardaire archéologue Oliver Broom, les oiseaux demeuraient silencieux. Nul souffle de vent n'agitait le feuillage des grands arbres, d'où semblait s'exhaler une impalpable vapeur bleuâtre. Seul le bruissement des insectes et le murmure des eaux courantes animaient les mystérieuses charmilles, peuplées de divinités de bronze et de porifères. Le détective John Jervis et Miss Elsie avaient cherché un refuge contre la chaleur non loin du grand sphinx de granit, sur les rives d'un étang fleuri de lotus bleus, bordé de papyrus et de bambous géants, et qu'ombragé des hêtres centenaires au feuillage pourpre. Ils s'étaient assis sur un banc de marbre et se parlaient à demi-voix, comme s'ils eussent craint de troubler le recueillement du paysage de rêve qui les entourait. Ils s'entretenaient de choses indifférentes, mais à la façon dont ils étaient rapprochés, au tendre regard qu'ils échangeaient, on eût pu deviner qu'une étroite intimité régnait sur eux. Depuis la mort du docteur Klaus Christian, survenu 3 jours auparavant, Miss Elsie semblait être brusquement revenue à la santé. Elle s'imaginait sortir de quelque affreux cauchemar. Elle se sentait soulagée d'un poids énorme. « Dans mon dernier voyage à Paris, fit-elle, j'ai pu constater quelle idée inexacte et fausse sont ce fait de l'Amérique. Les gens du vieux monde nous regardent comme ayant atteint le summum de la civilisation et du progrès. Ils ne savent pas que l'Amérique est peut-être le plus farouche et le plus mystérieux pays de l'univers. » Cela est profondément vrai, murmura pensivement John Jervis. On oublie toujours que les États-Unis sont habités par 10 races différentes, dont les intérêts et les instincts sont opposés les uns aux autres. Les sociétés secrètes y pullulent aussi sanguinaires et aussi puissantes qu'au Moyen-Âge, la Sainte-Vème. Je ne connais que le Ku Klux Klan qui a déclaré une guerre impitoyable aux Juifs, aux catholiques et aux Noirs, et qui se signale chaque jour par des incendies, par des meurtres et par des vols à main armée. Vous oubliez la main noire, surtout composée d'Italiens, les fainéants irlandais, la mano nera espagnole, le lotus bleu dont font partie des milliers de Chinois, les lords de la main rouge, qui ne sont que de vulgaires bandits, sans compter bien d'autres associations moins importantes. Oui, auquel de ces groupements appartenait le docteur? Demanda Miss Elsie, dont à la seule pensée du bandit, le visage s'était couvert d'une pâleur mortelle. Oh, je ne saurais vous le dire au juste. Mais il avait certainement des amis et des complices dans presque toutes ces sociétés. Et c'est ce qui a rendu ma tâche si difficile. Ah, si ce misérable n'était pas mort, reprit la jeune fille après un long silence. C'est moi qui aurais succombé. Je ne songe qu'en tremblant qu'il y a quelques jours à peine, j'étais encore sous l'influence de la volonté de ce bandit, qu'il avait fait de moi son jouet, le sujet de ses horribles expériences d'hypnotisme. Oui, mais maintenant, répondit John Jarvis d'une voix gaie et cordiale. Tout cela est de l'histoire ancienne. On ne sera plus obligé de vous faire garder à vue pendant votre sommeil. Ah, depuis seulement 2 nuits, j'ai pu dormir tranquille. Je ne pouvais fermer les yeux en pensant qu'au milieu de la nuit, j'allais peut-être me lever et obéir à l'injonction irrésistible qui m'ordonnait de fuir et d'aller rejoindre le docteur. Et les beaux yeux de Miss Elsie se dilataient avec une expression d'indicible horreur. John Jarvis, qui n'aimait pas à la voir s'apesantir sur ce sujet, essaya de la distraire en écartant de son esprit ses funèbres pensées. Il lui parla de leur mariage, qui en principe était décidé, mais qui pour diverses raisons avait dû être remis à une date assez éloignée. Todd Marvel, Elsie savait maintenant que le détective John Jarvis et le célèbre milliardaire n'étaient qu'une seule et même personne. Todd Marvel tenait à ce que la santé de sa fiancée fût complètement rétablie. En outre, avant de se marier, avait-il avoué à la jeune fille, il lui restait à remplir une tâche ardue. Il devait éclaircir un douloureux mystère de famille. Miss Elsie, quelle que fût son impatience d'être unie à l'homme qu'elle aimait, avait compris les graves raisons qui le faisaient agir, et s'était soumise à cette nécessité. Tout entiers à leur causerie, les fiancés oubliaient la fuite des heures, et le soleil commençait déjà à décliner derrière la cime des grands cèdres, lorsque le vieux majordome Wilburden apparut au détour d'une allée. « C'est moi que vous cherchez ?» demanda le détective. « Yes, master. Il y a une jeune femme qui insiste pour être reçu par vous. » Une jeune femme, fit en souriant Miss Elsie. Heureusement que je ne suis pas jalouse. Faites-la venir, dit John Jarvis. Je suis curieux de savoir ce qu'on veut. Je ne connais aucune jeune femme dans ce pays. L'instant d'après, le majordome revenait accompagné de la visiteuse. Modestement vêtue d'une robe de toile écrue, coiffée d'un chapeau de paille, c'était une petite brune assez jolie, mais à la mine inquiète et souffreteuse. Ses yeux étaient rougis comme par des larmes récentes. Elle s'excusa avec beaucoup de tact et de discrétion de l'audace qu'elle prenait. Mais elle éprouvait de telles inquiétudes au sujet de son mari qu'elles étaient décidées à venir demander secours et assistance au fameux détective dont tout le pays savait les merveilleux exploits. « Madame, répondit le détective avec une parfaite courtoisie, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour vous être agréable. Et d'ailleurs, veuillez m'exposer les faits. Je suis la femme du docteur Godfrey, qui voilà 2 ans s'est installée à Clermont. Il y a 3 jours, un client est venu le chercher, et depuis il n'a pas reparu, et il n'a pas m'a donné de ses nouvelles. Dites-moi, s'il vous plaît, quel était ce client? Il a dit venir d'une plantation à 20 miles de Clermont, qu'il a appelée Maple Farm. Je suis la femme du docteur Godfrey, qui voilà 2 ans s'est installé à Clermont. Il y a 3 jours, un client est venu le chercher, et depuis, il n'a pas reparu et ne m'a pas donné de ses nouvelles. Dites-moi, s'il vous plaît, quel était ce client? Il a dû venir d'une plantation à 20 milles de Clermont, qu'il a appelé Maple Farm. Je ne l'ai qu'entrevu. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il était grand, robuste, le teint basané et vêtu en cow-boy, avec un pantalon à la mexicaine, son grand chapeau de feutre et des bottes. Son frère, prétendait-il, venait d'avoir un pied écrasé par une machine à battre. 20 000, interrompit Miss Elsie. C'est une distance. Eh oui, répondit Mrs. Godfrey en rougissant. Mais mon mari a pour principe de ne jamais refuser ses services à personne. Une auto attendait à la porte de notre maison. Mon mari y monta. Depuis, je ne l'ai plus revu. Le docteur peut avoir été retenu par un accident sans gravité. Ah non, impossible, murmura la jeune femme avec un geste douloureux. Il m'aurait télégraphié, ou si l'accident était grave, ses clients l'auraient ramené en auto. Miss Elsie et son fiancé échangèrent un regard apitoyé. Tous deux étaient sincèrement touchés du chagrin de Mrs. Godfrey. « Je suis désespérée, continua-t-elle, et je viens d'apprendre que Maple Farm est une habitation abandonnée, comme il n'en existe tant dans cette région. Mon mari a sûrement été attiré dans un guet-apens, et je me demande pourquoi. » ajouta-t-elle en sanglotant. Nous ne sommes pas riches. Loin de là. Mon mari n'avait sur lui que quelques dollars. Ne pleurez pas, madame, dit le détective. Je vous promets que nous le retrouverons. Avez-vous vu le coroner? Ah oui. Mais il ne m'a pas donné beaucoup d'espoir. Il a promis de faire des recherches, mais cette partie du pays, couverte d'étangs et de marécages en bordure du Mississippi, est à peu près déserte. Et les bandits y règnent en maître. C'est le coroner qui m'a conseillé de venir vous trouver. Ouais, vous dites, interrompit Miss Celsi, que le docteur Godfrey a disparu il y a 3 jours. Oui, miss, dans la matinée. C'est par conséquent quelques heures seulement après la mort de Klaus Christian et la délivrance de ma femme de chambre, Betty. Oh, je n'avais pas songé à cela, murmura le détective. Mais encore une question, madame. N'avez-vous recueilli aucun autre indice capable de nous guider? Rien, sauf ce morceau de papier que j'ai trouvé dans le cabinet de consultation de mon mari. Mais je ne crois pas que cela puisse servir à grand-chose. Mrs. Godfrey avait tiré de son sac à main un carré de papier sur lequel ces mots étaient tracés d'une grosse écriture. Docteur Godfrey, 15 Brownsville Street, Clermont. John Jarvis examinait avec la plus grande attention cette adresse. Lorsque le vieux majordome se présenta de nouveau. C'est une autre jeune dame qui demande à vous parler, dit-il au détective. Qu'elle vienne immédiatement, Et comme Mrs. Godfrey faisait mine de se retirer... Ne partez pas si vite, madame. J'ai encore bien des questions à vous poser. Et il fit signe à la jeune femme de s'asseoir sur le banc de marbre à côté de Miss Elsie. La seconde visiteuse, aussi simplement vêtue que la femme du docteur, était à peu près de l'âge de cette dernière, bien que la nouvelle venue fût blonde. Il y avait même entre les deux jeunes femmes une vague ressemblance. C'était la même physionomie inquiète et résignée, mais pleine de douceur et de bonté. Et le détective fut frappé de cette circonstance. Toutes deux avaient les yeux rougis par les larmes. « À qui ai-je l'honneur de parler ?» demanda-t-il en saluant gravement. « Je suis Mrs. Habner, » balbutia-t-elle très troublée. Mon mari, qui est ingénieur chimiste, a disparu mystérieusement depuis hier matin. Mrs. Godfrey et Miss Elsie se regardèrent avec un profond étonnement et attendirent avec une impatiente curiosité les explications de la femme de l'ingénieur. Mon mari, poursuivit-elle, et l'auteur de nombreux travaux sur les explosifs, et particulièrement sur les composés de la nitroglycérine et sur les picrates. Il a découvert dernièrement une substance qu'il a baptisée la fracassite et qui dépasse en puissance la dynamite, la chédite, la lydite, et tous les autres cordes étonnants. En outre, elle peut se manier sans danger, et sa fabrication ne coûte qu'un prix insignifiant. Il y a quelques jours, nous eûmes la chance de vendre nos brevets au directeur de la grande fabrique de produits chimiques Hilton & Company à Monroe, pour $50 000. De plus, on proposa à mon mari de devenir chef de la fabrication, avec des appointements magnifiques. Nous étions très heureux, car vous devez supposer que nous n'avons pu atteindre un résultat pareil qu'après beaucoup de luttes et de privations. Et je sais combien sont pénibles les débuts, ne put s'empêcher de dire Mrs. Godfrey, avec un regard plein de sympathie adressé à Mrs. Habner. Il y a quelques jours, nous reçûmes de l'usine un chèque de $50 000 accompagné d'une lettre par laquelle Mr. Hilton donnait rendez-vous à mon mari pour signer le contrat qu'il engageait comme chef de fabrication en même temps qu'il toucherait le chèque. Et ce rendez-vous était pour aujourd'hui, ajouta Mrs. Habner en se tordant les mains. Mais nous n'avons véritablement pas de chance, reprit-elle, en s'efforçant de retenir ses larmes. Avant-hier, mon mari s'aperçut qu'il avait perdu, ou qu'on lui avait volé, la lettre qui refermait le chèque. Il s'apprêtait, après une soirée de vaines recherches, à informer Mr. Hilton de cet accident, quand il reçut la lettre que voici et que j'ai heureusement conservée. La jeune femme lut. « Mister, je viens de trouver une lettre et un chèque vous appartenant. Je serai heureux de vous les restituer et je les tiens à votre disposition chez moi, au 115, route de Monroe. Je pars le matin à 7 heures pour travailler aux plantations. Tâchez de venir auparavant. Autrement, je serai chez moi dans la soirée à partir de 18 heures. Salutations. Signé Jim Wilder. » Mon mari, tout heureux, s'est levé de bonne heure et s'est rendu route de Monroe. Il n'est pas revenu. Vous n'avez pas eu l'idée d'aller voir au numéro 115 ? Demanda le détective. Ah, c'est la première chose que j'ai faite. Le numéro existe. C'est presque en pleine campagne, en bordure de la grande route. Un hangar rempli de paille et appartenant à un entrepreneur de Clermont. Absolument inhabité d'ailleurs. Je tremble en pensant qu'on a pu assassiner mon pauvre Fred pour toucher le chèque à sa place. Cette lettre est-elle venue par la poste? Non, c'est un enfant qui l'a apporté assez tard dans la soirée. Donnez-moi cette lettre. Le détective l'examina quelques minutes avec la plus grande attention. Puis il tira de sa poche le carré de papier que lui avait remis Mrs. Godfrey. Voilà qui est extraordinaire, s'écria-t-il au bout d'un instant, avec l'accent de la plus grande surprise. L'adresse et la lettre sont de la même écriture. Alors, dit Mrs. Godfrey, ce sont les mêmes bandits qui ont attiré dans un guet-apens mon mari et Mr. Abner? Sans aucun doute. Il ne nous reste qu'une chose à faire. Courir à l'usine Hilton. S'il en est encore. À quelle heure était fixé le rendez-vous? À 18h, répondit Mrs. Abner. Oh, nous avons 2 heures devant nous. Nous pourrons peut-être atteindre Monroe avant 6h. Hein? Pourvu que nous n'ayons pas de panne. À tantôt, chère Elsie, ajouta-t-il en effleurant d'un baiser la main que lui tendait la jeune fille. J'emmène ces dames. Leur présence est nécessaire. Avec une célérité dont s'émerveillèrent les deux femmes qui commençaient à reprendre quelque espoir, l'auto fut tiré de son garage et mis en marche. Le Canadien Floridor prit place au volant, tandis que le détective s'asseyait en face de ses clientes. Et l'on dévora vertigineusement la distance qui sépare Clermont de la ville de Monroe. Pourquoi ? Demanda tout à coup John Jarvis à Mrs. Abner. Pourquoi n'avez-vous pas télégraphié à l'usine Hilton ? Tout d'abord, j'y ai pas pensé. Quand j'ai voulu le faire, on m'a répondu que la ligne était en réparation. Oh, un vol de plusieurs centaines de yards de fil conducteur a été commis tout récemment. Regardez plutôt. D'un geste, la jeune femme montrait à droite de la route les poteaux télégraphiques qui s'alignaient à perte de vue entièrement dépouillés de leurs fils. Évidemment, pensa le détective. Nous sommes en présence d'une machination soigneusement préparée. Et si Klaus Christian n'était pas mort... Savez-vous, dit brusquement Floridor en se penchant vers l'intérieur de la voiture, que si nos pneus n'étaient pas ferrés de façon spéciale, nous serions en panne depuis longtemps. Sur un long parcours, la route est semée de ces étoiles d'acier aux pointes aiguës qui crèvent le meilleur caoutchouc. Les bandits n'ont rien négligé. Si Klaus Christian était encore de ce monde... John Jarvis tressaillit. Floridor venait d'avoir la même idée que lui. L'auto roula encore quelque temps avec la furieuse rapidité d'une trombe. Puis, brusquement, son allure se ralentit. Un frottement singulier se fit entendre. Floridor dut stopper. Ça y est, s'écria-t-il furieux en sautant lestement à terre. Voilà ce que je craignais. Les pneus sont crevés. Je vais t'aider à les changer. Nous allons perdre un temps énorme. D'ailleurs, ce que nous mettrons auront même sort que les autres. Changeons-les toujours. Peut-être que le chemin qui nous reste à parcourir n'est pas préparé de la même façon. Les deux détectives se mirent à l'ouvrage. Mais bien qu'il s'efforçât de garder tout son calme pour ne pas désespérer les deux femmes, John Jarvis était vivement contrarié. Son chronomètre marquait 17 heures. Il était maintenant matériellement impossible d'atteindre Monroe en temps voulu.